Même sourire d'enfant, même être respire en même temps. s'aimer avec nos différences et réapprendre à rêver. Oh, de vie, où sont les anges? C'est un mystère. Moi, j'imagine que caché tout là-haut, ils protègent la prière. Tous les enfants, donne-moi une seconde.

Thank you. Thank you.

Thank you.